pêcheurs d'Islande. Deuxième partie. Chapitre 4. Me marier, disait Yann à ses parents le soir. Me marier? Et donc, mon Dieu, pourquoi faire? Est-ce que je serai jamais si heureux qu'ici, avec vous? Pas de soucis, pas de contestation avec personne, et la bonne soupe toute chaude chaque soir quand je rentre de la mer. Oh, je comprends bien, allez, qu'il s'agit de celle qui est venue à la maison aujourd'hui. D'abord, une fille si riche en vouloir à de pauvres gens comme nous, ça n'est pas assez clair à mon gré. Et puis, ni celle-là, ni une autre, non, c'est tout réfléchi. Je ne me marie pas, ça n'est pas mon idée. Ils se regardèrent en silence, les deux vieux Gauss, désappointés profondément, car après en avoir causé ensemble, ils croyaient être bien sûrs que cette jeune fille ne refuserait pas leur beau Yann. Mais ils ne tentèrent point d'insister, sachant combien ce serait inutile. Sa mère surtout baissa la tête et ne dit plus mot. Elle respectait les volontés de ce fils, de cet aîné qui avait presque rang de chef de famille, bien qu'il fût toujours très doux et très tendre avec elle, soumis plus qu'un enfant pour les petites choses de la vie. Il était depuis longtemps son maître absolu pour les grandes, échappant à toute pression avec une indépendance tranquillement farouche. Il ne veillait jamais tard, ayant l'habitude, comme les autres pêcheurs, de se lever avant le jour. Et après souper, dès 8 heures, ayant jeté un dernier coup d'œil de satisfaction à ses casiers et de l'eau-de-vie, à ses filets neufs, il commença de se déshabiller, l'esprit en apparence fort calme. Puis, il monta se coucher dans le lit à rideaux de perse rose qu'il partageait avec Lomec, son petit frère.